Sandrine Pernette, directrice d'un site financement, plateforme de financement participatif en capital. Donc Sandrine Pernette, je suis donc la représentante d'un site financement qui est une plateforme. Alors j'ai été intitulée fonds d'investissement. Alors nous ne sommes pas un fonds d'investissement, mais néanmoins on intervient sur ce qui est le financement des taux de bilan. Et donc on a été créé il y a un petit peu moins de 2 ans maintenant à l'initiative de 2 acteurs du territoire. Les premiers vraiment à l'initiative, ce sont les Business Angels de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que vous connaissez peut-être, qui sont répartis en fait sur tout le territoire à travers des associations et qui sont des acteurs notamment du financement des startups depuis quelques années. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque ça ne nous échappera pas, on a également le logo de la région dans notre présentation. En fait, partant du principe et du constat suivant, c'est-à-dire que le financement des startups et des entreprises dans son ensemble arrivait à un niveau un peu de plafonnement, c'est-à-dire que ces business angels régionaux investissaient environ 4 à 5 millions d'euros par an au capital des entreprises et voyaient en fait stagner ce montant-là. Dans le même temps, les plateformes de crowdfunding, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà investi à travers des plateformes de crowdfunding, commençaient à émerger. Et ces business angels se sont dit, pourquoi pas finalement mixer notre rôle de business angels avec un outil digital que représente une plateforme, les combiner et créer effectivement un outil de financement dit participatif au bénéfice en fait du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, d'où la présence de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est en fait une plateforme atypique puisqu'on a un actionnariat donc en tant que plateforme privée-publique. C'est-à-dire que nous avons donc dans notre capital 24 actionnaires institutionnels. Donc ces 24 actionnaires sont le public, la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais voilà, on est indépendant au sens de la gouvernance du terme. Et après, donc les 10 associations de business angels de la région, les banques régionales mutualistes qui nous accompagnent sur le financement des projets. Donc ces banques, ce sont les 3 crédits agricoles de la région, les 3 caisses d'épargne et la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ils sont actionnaires, je vous expliquerai également en quoi ils interviennent également. Des fonds d'investissement, donc des fonds comme Siparex, Sofimac, RDD, Créaxi, qui collectivement se sont donc réunis pour proposer un outil alternatif au financement et répondre à un besoin en financement en fonds propres mal couvert en fait par des acteurs dont certains sont nos actionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on intervient nous sur des levées de fonds en capital jusqu'à, on va dire, entre 100 et 1 million d'euros. Là où les acteurs que je viens de vous citer souvent commencent sur des tickets souvent supérieurs à 500 000 et maintenant de plus en plus supérieurs à 1 million d'euros. Donc on est là pour répondre à un besoin de financement finalement qui est mal couvert par d'autres et toujours en complémentarité. Également en partenaire donc la BPI, BPI France qui intervient souvent dans nos plans de financement sur le tour de table, soit en amont, soit pendant. Et en fait ce collectif voulant jouer justement collectif pour la région, et se réunissant de manière assez opérationnelle au niveau de la plateforme, et je vais vous expliquer comment. Donc pour opérer, on est donc nous régulés par l'AMF, donc on recherche des investisseurs, qui sont des investisseurs particuliers, mais aussi on co-investit avec nos partenaires, et on a choisi une structuration assez atypique, puisqu'on est un outil de place, et ça se répercute également dans notre gouvernance, puisqu'on est une société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire que voilà, on est un outil mis à disposition, fédérant des acteurs du territoire de proximité, pour aider des dirigeants d'entreprise, en fait, à financer leur croissance. Donc les intérêts des uns et des autres en fait de ces partenaires que je vous ai cités au projet et comment finalement on accompagne à la fois les dirigeants et les investisseurs dans cette aventure qui est effectivement le financement au bilan. Donc pour ce qui est effectivement de la région, rapidement, c'est trouver un outil alternatif, répondre à une défaillance de marché. On le voit souvent avec les outils qui sont montés par la région. Pour ce qui est du côté de nos actionnaires, eux, ce qui les intéresse, c'est de mettre à disposition leur réseau, leurs compétences, créer un vivier de start-up, de TPE ou de PME qu'ils pourront accompagner soit pendant ces premiers tours de table, soit sur les tours de table ultérieurs. Donc créer ce vivier dynamique d'entreprise qui crée du développement économique sur le territoire. Ils peuvent parfois rechercher à partager les risques. C'est-à-dire qu'on peut, sur un tour de table, être amené, je dis n'importe quoi, sur 500 000 euros, à avoir un fonds d'investissement à nos côtés, mais qui ne veut pas prendre la totalité du tour de table et qui peut choisir de dire « j'aimerais en prendre que la moitié, je cherche un co-investisseur pour pouvoir partager ces risques ». et assurer les financements ultérieurs. Donc il y a vraiment cette volonté d'être proactif à nos côtés. Du côté du citoyen investisseur, ben lui, en fait, chaque projet qu'on va lui présenter, il va pouvoir donner du sens à son épargne, choisir individuellement quel projet il veut soutenir sur la région. Et en tant qu'entreprise, on a un rôle un petit peu, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu affaire ou été accompagnés par des fonds d'investissement, mais la logique étant effectivement de rechercher un associé, cet associé ayant l'ambition de gagner à vos côtés, et donc avec, pour certaines sociétés, la possibilité aussi de se structurer pour franchir des étapes de croissance que le financement permet, mais par l'apport aussi de compétences et de profils, permet aussi d'accélérer la croissance. Donc les entreprises que l'on accompagne sont de deux types. On a des entreprises en fait qu'on accompagne, donc ce qu'on appelle vraiment des campagnes de crowdfunding avec appel public à l'épargne. Donc ce qui veut dire que là il y a un objet aussi de communication à travers ce crowdfunding. On communique et parfois d'autres. Ces entreprises n'ont pas envie de communiquer dans cette phase de levée de fonds. Et donc là on est ce que j'appelle en fait en offre réservée. Je vous expliquerai un peu dans le détail ce qui est une offre réservée sur notre plateforme. Donc en gros, en tant que plateforme, donc nous on est intermédiaire, on a deux types de clients, donc les dirigeants et les investisseurs. Du côté donc des entreprises, on accompagne exclusivement des entreprises basées en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, c'est vous avez bien compris, notre actionnaire est dans la région, on soutient les entreprises de notre région. Les cibles d'entreprises, on a jusqu'à présent beaucoup accompagné de start-up. Dans ces phases de financement. Alors, une première raison, c'est que la start-up est câblée pour ouvrir son capital, hein, c'est-à-dire que là, elle ne se pose pas trop de questions. En général, elle n'a pas ni de fonds propres, ni de résultats qui permettent de capitaliser. Donc, l'ouverture du capital est une voie naturelle, en fait, de financement. Mais on a également accompagné en fait des PME dans une recherche de croissance qui peuvent avoir déjà financé leur développement par de la dette bancaire classique, qui est plutôt une bonne gestion, hein, c'est ce qui coûte quand même le moins cher, mais qui à un moment donné de leur vie, dans leur phase de développement, ont besoin de financer une innovation, une diversification, s'internationaliser, faire de la croissance externe. Et là, le capital, en fait, capital peut répondre en fait à cette problématique de financement. La troisième catégorie, c'est dans le cadre de reprise d'entreprise. On peut avoir un dirigeant, un repreneur qui a un joli apport, mais pas suffisant pour finalement aller chercher la cible de ses rêves. Et donc, dans ces cas-là, on peut venir nous compléter son apport en fonds propres pour financer en fait, l'opération d'ouverture de capital ou de reprise. Notre segment d'intervention, comme je le disais tout à l'heure, l'agrément AMF dont je vous parlais peut nous permettre d'accompagner des entreprises dans des levées de fonds supérieures à 2 millions, enfin inférieures à 2,5 millions. Mais comme je le disais, les opérateurs avec lesquels et nos actionnaires ont des fonds d'investissement qui peuvent aller sur ces tickets-là. Donc nous, on n'a pas vocation à se mettre en concurrence avec eux sur ce sujet. Et on intervient donc entre 100 000 et 1 million, sachant que notre cœur de cible aujourd'hui, les levées de fonds que l'on a réalisées, on en a fait une vingtaine, c'est entre 200 et 400 000 euros, qui est vraiment le besoin prégnant sur des premiers tours de table où on ne trouve pas forcément d'acteurs pour accompagner les sociétés. En termes d'instruments financiers, je vous ai beaucoup parlé d'actions, equity, fonds propres, quasi-fonds propres. En fait, nous, notre palette d'instruments est assez diversifiée, c'est-à-dire qu'on peut accompagner de l'augmentation de capital, donc l'ouverture du capital, mais également deux autres outils qui sont, que moi je trouve très intéressants et que ce type de plateforme démocratise, c'est le financement par l'obligation ou l'obligation convertible. Donc sans rentrer trop dans la technique, contrairement à un prêt qui est amortissable, un prêt bancaire comme vous avez l'habitude d'en faire à la banque, est un prêt amortissable au capital sur lequel vous payez un intérêt. L'intérêt de l'obligation, c'est l'équivalent de prêt in fine, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne payez que l'intérêt pendant la durée du capital et vous ne remboursez qu'à l'échéance de 5 à 7 ans, donc ce qui permet en fait d'accompagner de la croissance en attendant d'avoir le retour en fait sur investissement de l'investissement qui est fait à l'origine. Donc voilà un petit peu la typologie d'outils, sachant que sur certaines opérations, on peut mixer en fait différents outils. Et ça est souvent réalisé avec un effet de levier bancaire, c'est-à-dire qu'on est souvent sur la partie fonds propres, quasi-fonds propres, que sur une partie du plan de financement, le reste évidemment étant complété par nos amis banquiers qui interviennent également dans le plan de financement global. Donc voilà sur la partie entreprise. Maintenant sur la partie investisseur. donc qui est l'autre volet en fait de notre plateforme. Donc en tant qu'investisseur, on a une grosse base d'investisseurs de business angels, donc dont l'activité depuis plusieurs dizaines d'années est d'investir au capital des sociétés. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, donc on co-investit avec des fonds d'investissement, donc les fonds type Créaxi, Crédit Agricole, Sofimac sont des fonds avec lesquels on peut investir sur des tours de table. Et puis, on va chercher de l'épargne citoyenne sur certains projets qui s'y prêtent pour compléter et financer en fait le tour de table. L'intervention donc, en termes de ticket d'investissement, donc ce ticket d'investissement que j'ai mis en présentation à 1 000 euros unitairement est un montant qu'on définit avec l'entreprise au moment du montage du dossier. Contrairement à d'autres plateformes de crowdfunding où vous pouvez devenir investisseur avec 100 euros, ce n'est pas du tout le parti pris. En général, nous, les tickets, c'est plutôt entre 5 et 10 000 euros unitairement. Et avec des business angels ou des investisseurs qui peuvent mettre des tickets de 100 000 euros, hein, c'est très variable. Il n'y a pas un tour de table qui se passe de la même manière. Et on peut intervenir soit en direct, soit en indirect, à travers une holding intermédiaire qui peut regrouper en fait, ces investisseurs de manière unique en fait, dans un véhicule d'investissement. Donc voilà un petit peu les deux pendants, et donc la plateforme permet, elle, de faire se rencontrer les porteurs de projets et les investisseurs, et dans un cadre totalement sécurisé, d'assurer en fait une opération de financement avec signature électronique de documents, suivi sur la durée de l'investissement et accompagnement du dirigeant sur la durée. L'équipe, donc on est une équipe de 4 personnes. Comme je le disais tout à l'heure, donc, le côté opérationnel des actionnaires que je vous ai cités, on les retrouve dans le comité d'experts, c'est-à-dire que chaque projet qui passe par la plateforme est vu en fait par nos actionnaires. Alors il est vu à plusieurs niveaux, hein. Il est vu avec leur regard pour d'analyse critique et pour faire avancer le projet. Et il est également vu aussi pour accompagner dans le plan de financement potentiellement le projet et pour faciliter la mise en relation pour obtenir des financements complémentaires. Aujourd'hui, comme je vous expliquais en historique, c'est vraiment un outil initié par les business angels, donc vous les retrouvez dans la gouvernance de l'entreprise, puisque le directoire est composé en fait par les présidents de business angels de la région. Le processus d'accompagnement. Donc en gros, sur la partie sourcing deal flow, il y a plusieurs manières d'entrer en relation avec un site financement. Donc soit par l'écosystème, les banquiers, les financeurs, les incubateurs pour ce qui est des startups, accélérateurs, soit de rentrer en direct avec nous ou via les business angels. Donc ça, c'est le premier niveau. Après, on rentre dans une phase effectivement d'instruction du dossier. Donc je le précise toujours pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les processus de levée de fonds. Ça peut vous paraître long, et encore là j'ai été particulièrement ambitieuse sur les durées. Le processus d'une levée de fonds se compte en plusieurs mois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être pressé, hein. C'est-à-dire que voilà, quand on a besoin, c'est quelque chose qui se mature et qui se prépare à l'avance. En moyenne, on dit que c'est entre 6 et 9 mois le processus, entre le premier contact, donc là l'entrée deal flow, et le closing, c'est-à-dire appel de fonds et décaissement des fonds au compte d'augmentation de capital de la société. Donc c'est un processus qui est long et qui s'explique tout à fait, puisque vous faites rentrer des actionnaires en fait à votre capital, donc forcément il y a une forme d'apprentissage dans la relation, d'échange, de partage de stratégie, de validation de cette stratégie qui va se retranscrire en fait dans une valorisation et dans un pacte d'associés. Donc on a toute cette phase d'instruction, et puis effectivement dans la forme de plateforme de crowdfunding. Quand on a, en ce moment, on a un dossier donc, qui est en ligne, qui s'appelle Naturamat. Il y a toute une campagne d'animation de la campagne, de communication autour du projet, ce qui fait que ça expose un peu comme une introduction en bourse la société de manière volontaire, hein, c'est un choix dans sa stratégie de financement, auprès de sa communauté, de ses clients, de ses fournisseurs, pour expliquer un petit peu l'enjeu et l'ambition du projet. Le parallèle par rapport à tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous allez sur la plateforme aujourd'hui, vous allez voir Naturamat, qui est dans ce cadre-là, appel public à l'épargne, et vous allez voir des opérations dites offres réservées. où là, on a des opérations en cours, mais qui ne sont pas visibles par vous et moi, qui ne sont visibles que par des membres qu'on a autorisés à voir et qui sont des augmentations de capital dans un espace réservé. Pourquoi on a développé ça? C'est qu'on a parfois des dirigeants d'entreprise qui n'ont pas forcément envie de communiquer sur leur phase de levée de fonds, ce qu'on peut complètement comprendre, mais pour autant, pour lequel il y a des investisseurs qui sont intéressés pour y rentrer. Et donc, c'est un moyen, finalement, de faire cette levée de fonds dans un cadre que je viens de vous décrire, mais dans un aspect beaucoup plus confidentiel. Et encore une fois, ce sont des éléments qu'on discute en amont pour pouvoir effectivement choisir la meilleure stratégie de levée de fonds. Donc tout ce processus-là jusqu'au closing. Et ensuite, donc, en tant que plateforme, on accompagne également le dirigeant d'entreprise et l'investisseur sur la durée, puisque dans les pactes, on met en place en fait un comité stratégique. Dans les investisseurs, on fait un appel à candidature sur la base du profil que le dirigeant va définir pour l'accompagner en fait dans la croissance en fait de sa société. Et dans cet appel à candidature, le dirigeant va choisir en fait les profils qu'il veut voir se faire accompagner dans son comité stratégique. Et à l'issue de ce comité stratégique, qui est souvent trimestriel, on émet une lettre actionnaire qui est envoyée à l'intégralité des autres investisseurs et qui leur permet en fait d'avoir accès à l'information de manière périodique pour s'assurer que l'investissement qu'ils ont fait se passe dans de bonnes conditions. Et donc la durée de suivi, en général, on la cale entre 5 et 7 ans, qui est la durée classique, on va dire, des premières clauses de sortie de ces investisseurs, qui est également prévu au pacte d'associés. Donc ça, c'est les éléments de facturation de modèle économique. Donc en fait, on a un modèle économique avec deux clients, le porteur de projet et l'investisseur. Du côté de l'entreprise, donc on fonctionne comme un leveur de fonds, c'est-à-dire qu'on a une commission fixe et un pourcentage de levée de fonds. Et du côté de l'investisseur, c'est une commission en moment de son entrée de sa souscription. Et ces frais, en fait, couvrent tout la durée en fait, d'accompagnement que vous avez vu, c'est-à-dire de jusqu'à 5-7 ans, c'est-à-dire qu'on ne redemande pas de frais de gestion annuels. Ça couvre en fait la totalité du processus d'accompagnement. Et voilà, nous, on vous encourage à nous solliciter sur solliciter pour pouvoir vous faciliter notamment la mise en réseau et la mise en relation sur les aspects financement, évidemment, parce qu'on est quand même des financiers. Donc voilà un petit peu notre modèle économique. Aujourd'hui, donc, on a accompagné 20 entreprises du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Là, on en a 3 en phase de levée de fonds, donc on sera à la fin d'année à 23. En total, montant levé, ce sont à peu près 5 millions d'euros en fonds propres levés, donc avec un effet de levier qui multiplie par 3 en fait, le plan de financement. Et donc, dans les sociétés qu'on a financées jusqu'à présent, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est principalement des start-up à 2 exceptions près. Mais le message que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que les business angels qui étaient très focalisés start-up commencent à ouvrir un peu leur chakra sur la notion de PME et d'accompagnement des PME. Et ce qui fait qu'on va de plus en plus avoir un portefeuille diversifié. D'ailleurs, le meilleur exemple est le fonds Capital qui est en train d'être monté par un réseau de business angels de Savoie Momo Angels. Pardon. Qui en fait va opérer le segment de la PME en croissance ou reprise d'entreprise. Donc on a vraiment vocation à accompagner tout type d'entreprise, de la start-up finalement à la PME en croissance. Voilà en gros la présentation. Donc je ne sais pas si je suis dans les temps et dans les délais. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, si certains d'entre vous sont dans des phases de levée de fonds ou si vous avez des questions particulières. Oui. Les startups que vous ciblez, c'est plutôt des startups en early stage. Ou à quel stade de développement de la société, généralement, vous cherchez les investissements? Alors, en général, nous, déjà, en amont de la prise de contact, donc on demande à la société de nous envoyer un premier projet, soit de business plan, de présentation. Sur toute la phase très amont, il y a énormément d'outils non dilutifs, type BPI, les prêts d'honneur, les boosters de prêts d'honneur innovation. Donc quelque part, nous, on intervient quand toute la notion de prototype, de POC est réalisée. Et quand on est dans la phase de démarrage de la commercialisation, qui n'est pas encore forcément, c'est-à-dire qu'on ne demande pas, comme certains font, à faire déjà du revenu mensuel très récurrent, et j'ai envie de dire que ça, c'est leur job à eux, et nous, on finance entre les deux. C'est-à-dire que spontanément, une entreprise qu'on rencontre, qui nous dit, voilà, je n'ai pas encore sollicité ni BPI, etc., on va gentiment lui dire, il y a d'autres outils, c'est pas le bon moment, mais dans votre intérêt aussi, parce que la valorisation de votre entreprise sera bien meilleure si vous, vous arrivez à une première étape en fait, de votre développement. Et donc, on les renvoie effectivement vers les réseaux d'accompagnement et de financement. En gros, si je comprends bien, c'est la phase entre le POC et le marché. Exactement, c'est ça. Et le marché, et il peut arriver sur certains projets, qu'on soit au tout démarrage, vraiment, l'accès au marché est quasiment fait, et on peut, sur certains projets qui ne nécessitent pas des montants colossaux, être le petit accélérateur en fait, de financement que le banquier ne fera jamais, et pour lequel les dispositifs BPI France auront été épuisés, et sur lequel on peut peut-être faire d'autres effets de levier. Donc, voilà. De questions. Merci.